Ce soir, au Zero, Tony Pombra sur le dance floor. Je l'aimais, mais elle n'avait qu'un seul défaut. Le sourire de Gérard Depardieu. J'ai brisé sa vie, c'était plus fort que moi. Elle avait le sourire de Gérard Depardieu. Heureusement pour elle, j'ai gardé en moi nos souvenirs d'amour et d'amitié. Heureusement que comme lui, elle n'avait pas le trou du cul à la place du nez. Je l'aimais, mais elle n'avait qu'un seul défaut, le sourire de Gérard Depardieu. J'ai brisé sa vie, c'était plus fort que moi. Elle avait le sourire de Gérard Depardieu. J'aime bien le bon vin rouge et le pâté, mais bon, il faut quand même pas déconner. Je l'ai laissé seul, tel Cyrano de Bergerac, avec son fils flic à la fac. Sur le dance floor. Qu'un seul défaut, le sourire de Gérard Depardieu. J'ai brisé sa vie, c'était plus fort que moi. Elle avait le sourire de Gérard Depardieu. Le sourire de Gérard Depardieu. Le sourire de Gérard Depardieu. Le sourire de Gérard Depardieu. Le sourire.